Montréal s'embrase à la suite d'une manifestation qui tourne à l'émeute. La manifestation est violente, deux policiers et un ambulancier sont blessés. Des bâtiments et des voitures saccagées et incendiées, des commerces sont aussi la cible de pilleurs. Une émeute qui ravive les craintes des résidents du secteur. Je te présente notre sociétariat tel quel. La violence qui nous enclame et qui fait rage lorsqu'on regarde les nouvelles. Que ce soit le fric ou le stress qui nous frappe partout dans le monde. La brute réalité nous divise, car sortait en succombe. On ne peut pas toujours s'émerveiller lorsque notre étoile ne brille jamais sous nos pieds. Regarde ces jeunes qui suent, des mères qui suent la violence autour de toi. Rendu une son ami, ouvre des yeux et donne-moi ce qu'on rend. La brutalité s'approprie notre quotidien. Plus de stress, plus de violence, reste dans mon cartésien. Le quartier oublié, non épargné, et dans les épargnés, à chacun son palier. Je te souhaite un aventureux, bienvenue dans nos ruelles. Ici on vit sous le rythme des combats et de nous sans duel. Le doigt sur la détente, son corps s'effondre. La paix est cadavrée, il n'en reste que les cendres. La brutalité a bougé, consumée par les deux. Emportée par la flamme, la vie se noie dans les remous. La brutalité, quand on parle. La barbarie, la tyrannie, on est dans un monde fou. On est dans un monde fou, voici notre réalité. Il y a parfois de la rancune, mais un problème d'identité. On nous a dit qu'avec sa violence, la rue sombrera. Que notre réalité les fouette et ne baissera pas les bras. Je te présente notre sociétariat tel quel. La violence qui nous enclame et qui fait rage lorsqu'on regarde les nouvelles. Que ce soit le fric ou le stress qui nous frappe partout dans le monde. La brute réalité nous divise, car sortait en succombe. On ne peut pas toujours s'émerveiller lorsque notre étoile ne brille jamais sous nos pieds. Regarde ces jeunes qui suent, des mères qui suent la violence autour de toi. Rendu et ton ami, ouvre des yeux et donne-moi ce qu'on rendu. Ça se passait dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Vous voyez des voitures qui ont été incendiées. Tous ces événements sont survenus 24 heures après l'intervention policière qui s'est soldée par la mort d'un adolescent de 18 ans. Il y a aussi deux de ses copains qui ont été touchés par les balles des policiers. La violence, un cercle vicieux. L'amalgame entre l'âme et la colère qui charme le feu. Dans les rues, les bambins tombent dans le même bain de sang. Sans gris, bien c'est le même refrain. Génération père absent, axé sur l'appartenance. Et c'est de ceux qui n'acceptent pas quotidiennement le même cas. Combien de femmes veuves, le gamin ne veut plus tenir la main. Mais la serrée, voici la preuve. Quelle est la vertu autour des blocs que dans nos calibres pleurent. La brutalité a bougé, consumée par les deux. Emportée par la flamme, la vie se noie dans les remous. La brutalité, quand on parle. La barbarie, la tyrannie, on est dans un monde fou. On est dans un monde fou, voici notre réalité. Il y a parfois de la rancune, mais un problème d'identité. On nous a dit qu'avec sa violence, la rue sombrera. Que notre réalité les fouette et ne baissera pas les bras. Je te présente notre sociétariat tel quel. La violence qui nous enclame et qui fait rage lorsqu'on regarde les nouvelles. Que ce soit le fric ou le stress qui nous frappe partout dans le monde. La brute réalité nous divise, car sortait en succombe. On ne peut pas toujours s'émerveiller lorsque notre étoile ne brille jamais sous nos pieds. Regarde ces jeunes qui suent, des mères qui suent la violence autour de toi. Rendu et ton ami, ouvre tes yeux et donne-moi ton rendu. Laisse-moi raconter une histoire qu'ils appellent un fait divers. Ils crevaient la salle dans le quartier, c'était un soir d'hiver. La douille était partie d'un bloc à côté, pénétrant lui quelques secondes après, brutalité. Il était à côté sur un poteau, rien à se faire reprocher. Dans son portefeuille, une photo de la femme qu'il venait d'épouser. Balle perdue, infligée à l'innocent passant. Le destin fit son œuvre, laisse sans avertissement.